semaine et passent les années. Un jour c'est la veille et tourne le sablier. Un jour une seconde et tourne les aiguilles. Une minute, un monde et c'est le dos qui plie. Le temps qui s'écoule ne connaît pas de pause. Et la vie nous roule toujours vers autre chose. J'ai pas voulu changer et tout remettre en cause. Et maintenant je suis passé. J'ai gardé pour eux les pactes scellés, les secrets nombreux qu'on s'était chuchotés. J'ai gardé pour moi la marque des frères, cicatrices aux doigts quand nos sens se mêlèrent. Sacrées les amitiés, éternels amours, et sans même y penser, chacun suivait son cours. J'ai pas voulu changer et tout remettre à jour, et maintenant je suis passé. Sont ceux de mes amis, sont ceux pour qui je chante. Aux journées qui passent, chacun donne son sens. Un chemin, une trace, sans même qu'on y pense. J'ai pas voulu changer, écarter mon enfance. Et maintenant je suis passé. Je suis resté le même, mais maintenant je suis pareil.